C'est trop la misère, hein. Y a rien à faire. Y a rien pour nous dans ce pays. J'ai jamais remarqué que dans mon souffrance, il y avait France. Y a rien pour nous. T'es encore en train de te plaindre, c'est ça, hein? Espèce de complexé que tu es. Bouge-toi un peu le cul, hein. Ça fait 20 ans que tu es là, rien branlé. Qu'est-ce que tu fais tous les jours, hein, dis-moi? Rien, nib. Tu t'en collé à ce banc comme un aimant, là. Marseille, c'est pourri, on glane de ferme, c'est la misère, y a rien à faire, c'est tous des enculés, arrête-toi un peu. Putain, hein. Suicide-toi alors, s'il n'y a rien à faire sur cette terre, montre-nous l'exemple, sois le premier à crever. C'est la même chose, hein? Dès que je sors du quartier, il y en a un qu'il faut qui me casse la soirée. Toujours pareil, les potes rouges là. Tu les vois pleins de haine sur leur visage et tout. Laisse tomber, qu'est-ce que tu t'en bats les couilles de ce mec? Tu vois pas que c'est un trou du fion? Qu'est-ce que tu nous fais là? Non, bra, toujours je vais laisser tomber. Il y en a marre maintenant. Il croit quoi lui? Que j'ai débarqué hier? Il y a qu'une seule chose que je sais, c'est que je suis né ici moi.